Le comité mongol de souvenir du camarade Kim Jong-il est constitué le 30 novembre. Le comité de souvenir a décidé d'organiser à l'occasion du 5e anniversaire du décès du camarade Kim Jong-il des cérémonies politico-culturelles comme meeting de souvenirs et séance film pour commémorer sa vie révolutionnaire et ses espoirs immortels.